بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس الرابع بعد المية. quatrième question. Donc après, في الدرس السابق, dans le dernier cours, nous avons pris les piliers de la salate. Aujourd'hui, nous allons prendre les obligations de la salate. Et on a déjà expliqué la différence entre les obligations et les piliers dans le درس précédent. فقال في سؤال الثاني وعشرين بعد ثمانمية. 822e question. ما هي واجبات الصلاة؟ Quelles sont les obligations de la salat? Car dans la salat, comme vous savez, il y a des conditions, il y a des piliers, des obligations et des choses recommandables. Non, il y a des choses interdites et des annulatifs également, comme cela va venir. Biznillah ta'ala. Awalan qala jami' takbirat ghayr takbirat al-ihram. Donc tous les takbirs que l'on fait dans la salat, d'accord, ils sont obligatoires, hormis le premier qui lui est un pilier de la salat. Donc, toutes les takbirat de la salat sont des obligations, car le Nabi sallam a ordonné de les faire. Comme dans le hadith de Rifa'a ibn Rafi'a. Il expliquait les règles de la salat et dedans il oubliait de faire les takbirat. Le hadith est un peu long, c'est pour ça que je ne le lis pas là. ثم قال ثانيا قول سمي الله لمن حمده. Le fait de dire سمي الله لمن حمده. Qu'Allah entende celui qui le loue. Et ça, c'est un call qui est dit soit par l'imam parce que c'est une salat en groupe, ou soit là pour celui qui fait salat tout seul. D'accord ? Le ma'moum, celui qui est présidé dans la salat, qui est derrière, lui n'a pas à le dire. Mais l'imam doit le dire, ou celui qui fait salat tout seul, doit le dire. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا. Donc là dans le hadith il dit que l'imam n'a été mis que pour être suivi. Donc s'il fait le takbir, alors faites le takbir. Donc là c'est parmi les preuves également du takbir. Et que si jamais il se relève, il s'incline, alors inclinez-vous. Et si jamais il dit Sami Allah liman hamida, alors dites Rabbana wa lakal hamd. Naam. Après, troisième, call Rabbana wa lakal hamd. Et ça tout le monde le dit. Rabbana wa lakal hamd, l'imam le dit et le ma'moun le dit. Et celui qui fait la salat tout seul également le dit. Et le dalil, c'est le hadith précédent. Quatrième, le fait de dire Subhanallah al-Azim dans le ruku'. Le fait de dire Subhanallah al-Azim. Et le dalil, c'est le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, rapporté par Muslim, dans lequel il dit Nabi sallam, Fa'amma al-ruku' fa'azzimu fihi al-Rabb azza wa jal. Donc, quand à l'inclinaison, le fait de dire le ta'azim, c'est le fait de dire Subhanallah al-Azim. Et kazalik, dans un autre hadith dont on aura besoin plus tard dans le point précédent, il dit dans le sujoud, Subhanallah ou Subhan Rabbi al-A'la. Subhan Rabbi al-A'la. Le fait de dire Gura Allah le plus haut. Qui est parmi les preuves que Allah Azza wa Jal est dans l'élévation, parmi ses sifat l'élévation, qu'il est au-dessus de la création. Et ça c'est rapporté par Muslim, ça c'est le hadith de Huzaifa, qui est lié à la cinquième obligation, qui est le fait justement de dire Subhana Rabbi al-A'la dans le sujoud. Donc le dalil c'est celui-là. Bien que le hadith ne prouve pas que ce soit une obligation en soi, car il n'y a pas l'ordre, c'est juste que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, et ce n'est pas tout ce qu'il fait forcément qui est obligatoire pour nous de faire également. Mais ça, c'est le dalil que l'auteur a cité. Donc le dalil est discutable. Mais il est connu que ce qu'on-là est une obligation. Sixièmement, قول ربي اغفر لي, c'est-à-dire Allah ou mon Seigneur, pardonne-moi, entre les deux prosternations. Et ça, c'est dans une version justement du hadith de Hudhayfa précédent, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, entre les deux prosternations, dit Rabbi al-Firli, c'est-à-dire deux fois. Et kazalik, le hadith ne dit pas que c'est une obligation. Il dit que le Nabi sallam l'a fait. Et qui plus est, ce hadith-là, c'est dans une salat qui n'était pas obligatoire. Et 17e, obligation, le tashahhud al-awwal. Car le deuxième, on expliquait que le deuxième, c'était lui un pilier. Et le premier tashahhud, lui, c'est une obligation. Comme dans le hadith de Ibn Mas'ud. قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحية لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كابن مسعود il a dit que Nabi Sallam l'a dit si vous asseyez après deux rakat alors dites là c'est un ordre dites et là il a dit de faire le tashahhud tashahhud ثم قال في الثامن الجلوس له le fait de s'asseoir justement pour ce tashahhud là d'accord et le dalil c'est le hadith précédent car le Nabi Sallam l'a dit faisait qu'atum c'est mieux vous asseyez alors dites telle chose donc il veut dire qu'il faut s'asseoir naam donc là ce sont les choses qui sont les obligations de la salat et celui qui laisse une obligation volontairement la salat elle lui est rendue invalide délaissée une obligation volontairement, délibérément, rend la salat invalide. Hadha alladhi radna al-yawm. Fa subhanaka wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.